Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Marseillaise d'origine, tous mes étés, enfant, je les ai passés à La Ciotat, à barboter dans l'eau, équipée de mon masque, mes palmes et mon tuba. Entre les sacs plastiques et les quelques tongs qui flottaient, j'ai découvert de magnifiques créatures. Des oursins noirs, majestueux, aux reflets violets. De longues herbes marines qu'on appelle posidonies, ou bien encore les fameuses rascasses, ces poissons rouge-orangés, ornés de picots, qu'on croise au Mugel ou dans la sublime calanque de Figrolles. J'ignorais alors qu'à quelques encablures de mer, plus à l'ouest, se cachait un véritable trésor. Un trésor archéologique. Nous sommes en 1985. C'est la fin de l'été. Sur la terrasse du centre de plongée de Cassis, Henri Cosquer, épaules carrées, barbe brune et peau dorée par le soleil, nettoie son matériel au jet d'eau. Enfin, cet après-midi, il va pouvoir plonger et descendre seul dans les profondeurs. Oh, c'est pas que ça lui déplaise, hein, d'accompagner des groupes de plongeurs dans les calanques d'Anvaux ou de Sugiton. Mais quand on ose s'y aventurer en solo, la mer, elle se donne pas pareil. La région est un véritable paradis pour les plongeurs. Entre Marseille et Cassis, la roche blanche tombe à pic dans l'eau turquoise et à 15, 30, 50 mètres de profondeur, elle forme des centaines de grottes, de galeries et de couloirs très étroits qu'on appelle des boyaux. Henri a beau connaître le coin par cœur, il continue d'être émerveillé. Entre la Méditerranée et lui, c'est une grande histoire d'amour. Depuis qu'il est minot, il passe sa vie dans l'eau. Planche à voile, plongée, pêche sous-marine, il a tout fait. De fil en aiguille, la mer est devenue son métier. Plongeur professionnel, il a passé des années à arpenter les profondeurs pour couler du béton, réparer des barrages ou bien des piliers sous-marins. Et puis, après quelques aventures ici et là, il a fini par prendre la direction du centre de plongée de Cassis. Enfin, ça y est, tout est prêt. Le détendeur pour respirer, le nanomètre, le profondimètre... Eh ben le matos, c'est au top! Henri saute sur le Cro-Magnon, son bateau. Youpi! C'est parti! Devant lui s'ouvre l'immensité inondée de soleil. Pétard, y a pas à dire, hein! À part quelques gabions, ici, on est peinard! Ils foncent en direction du Cap Morgio. Là-bas, c'est un coin régalade. C'est café de petites cachettes. Quand on est plongeur, on est toujours à la recherche d'un trésor, d'une épave ou bien d'une grotte où personne n'a jamais été. Allez, hop! À coup de palme, Henri s'enfonce dans les profondeurs. Aux fins de chichounes, des bandelous, des dorades royales, des gorgones violettes, des éponges, des coraux. Waouh! Ah, c'est absolument somptueux. Et ce bleu-là, partout, si intense, si vif. On dirait que l'eau est fluorescente. C'est au contre l'eau, je sais, je connais ce feu. C'est le seul espèce, je connais. Pardon, Henri. Avec ton détendeur dans la bouche, on ne te comprend pas. Ah, pardon, oui, je recommence. C'est impressionnant, n'est-ce pas, cette couleur si pure? Oh, regarde, des langoustes, des homards. Tout frétillant dans sa combinaison de néoprène, Henri se dirige en direction d'un point précis. Au début de l'été, entre la grotte du Figuier et la grotte de la Crêperie... Non, Laure, la Triperie. La grotte de la Triperie. Oh, pardon, merci. Par 37 mètres de profondeur, il a repéré un trou étrange, creusé dans la roche. Peut-être le départ d'un tunnel ? Ça y est, il a retrouvé sa fameuse ouverture. Elle mesure environ 2 mètres de large. Il s'y engouffre, sans lampe. À cette profondeur, on voit encore très clair. Henri pénètre dans un passage très étroit, tapissé de coraux en fleurs. Peu à peu, le couloir s'élargit. Le plongeur avance, très prudemment. Les parois sont recouvertes d'une épaisse couche de vase noire. S'il la soulève d'un coup de palme, il n'y verra absolument plus rien. Henri a parcouru 20 mètres et déjà l'obscurité gagne du terrain. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Il remonte à la surface, excité comme une puce. Qu'y a-t-il au fond de ce couloir sombre ? Pour le savoir, il doit y retourner. Mais une exploration comme celle-ci ne s'improvise pas. Il faudra revenir, équipé, préparé. Henri tente sa chance une deuxième fois. Oh, zut ! Il est forcé de rebrousser chemin. Après une deuxième, tu sais bien, il y a toujours une troisième tentative. Depuis plusieurs jours, le Mistral souffle fort. Henri profite d'une excursion organisée par le centre. Tandis que son ami Eric s'occupe d'un groupe de plongeurs amateurs, il s'éclipse, discrètement. La mer est grise, agitée, fatigante. Il palme. Arrivé devant l'entrée, vite, il s'y engouffre. Il parcourt 50, 60, 100 mètres de boyaux. Un étrange sentiment l'envahit. Un mélange d'excitation et d'angoisse. S'il devait lui arriver un pépin ici, pas sûr que quelqu'un le retrouve. Il allume sa lampe. Tiens, il remarque que la galerie, petit à petit, monte. Je suis en train de me rapprocher du niveau de la mer ou je rêve? Je vais peut-être tomber sur une poche d'air. Oh, ça sent bon! Ça sent bon! Et en effet, 10 mètres plus loin, bingo! La galerie débouche sur une immense salle sous-marine. Waouh, époustouflant! D'énormes stalagmites se dressent là, sous ses palmes. Henri les éclaire. Quelle couleur merveilleuse! Il reste immobile quelques instants, ému et un peu gêné. Eh ben, pardon de vous déranger, géant de pierre. Puis, il pointe sa lampe vers le haut. Oh! Ça fait comme un miroir scintillant. La lumière se reflète. Cette grotte n'est peut-être pas entièrement envahie par l'eau. Quelques coups de palme plus tard, re-bingo! Il se retrouve, la tête hors de l'eau. Le plongeur regarde autour de lui. C'est la plus grande crotte... grotte que j'ai jamais vue. Oh oui, la saucisse! Enfin, le plongeur, il se hisse sur une sorte de petite plage de roche. Henri a le souffle coupé. Ici aussi se dressent d'immenses stalagmites façon poule de disco. Oh là là, la roche brille. Ça étincelle de partout. On dirait un kaléidoscope géant. De retour sur le bateau du club, son ami Eric ne pose aucune question. Les secrets de plongeur, tu le sais bien, ça ne se partage pas. Chut. Henri retourne explorer sa grotte. Il retrouve facilement l'entrée, la galerie et enfin la petite plage de pierre. C'est encore plus grand que dans son souvenir. La grotte est profonde, impressionnante. Henri a sacrément les chocottes. Avec les stalagmites qui montent et les stalactites qui tombent du plafond, on dirait une mâchoire géante. Oh, ouh là là, pauvre vieux, courage! Depuis combien de temps Henri est-il là? 20 minutes? Une demi-heure? Bon sang, que cache cette grotte? Oh oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, pas la lampe! Non, pas la lampe! Et si, c'est la lampe, c'est la lampe! Elle clignote, puis s'éteint. Henri est plongé dans le noir. L'obscurité est totale. Le pauvre tremble de peur. Timidement, il lance un petit... Ouh! Ouh! Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, oui, c'est bien tenté. Mais non, banane! Personne ne t'entend! Je crois qu'on peut dire que... Eh bien... T'es foutu. Heureusement, Henri retrouve son sang-froid. Calmement, mais sûrement, quittons cet endroit au plus vite. Très lentement, à tâtons, il arrive à retrouver la petite plage. Il suit le boyau jusqu'à la sortie. Oh, Henri l'a échappé belle. Un peu plus et c'était, tu sais, la mort. Le temps passe. Et puis, de nouveau, ça le picote, la curiosité. En 1988, il tente une nouvelle exploration. Rebelote, c'est un échec. Trois ans plus tard, cette fois, il est prêt. Vraiment prêt? Oui, pour de bon. Nous sommes le 3 juillet 1991. Henri embarque avec lui deux collègues extrêmement chevronnés. Les plongeurs spéléologues Pascal Auriol et Yann Gauguin, ainsi que sa nièce, Sandrine Cosquer. Le quatuor remonte la galerie sous-marine. Enfin, ils arrivent dans l'immense cavité. Ils n'en reviennent pas! Une grotte comme ça, c'est si rare! Ils observent, bouche bée, le sol, si blanc, les stalactites et les stalagmites aux mille éclats de diamants. Deux heures durant, ils explorent le reste de l'espace. Ils découvrent des merveilles, et parmi elles, une deuxième salle au plafond extrêmement haut. On dirait une cathédrale! Juste avant de partir, Yann Gauguin éclaire par hasard une drôle de forme, là, sur la paroi. Le groupe s'approche. On dirait... une main? Oh purée, les gars! Quelqu'un a fait un tag! Comment ce dessin s'est-il retrouvé là? Qui l'a dessiné? Un plongeur aurait-il découvert sa grotte avant lui? Bah, dans ce cas, comment le bonhomme s'est-il débrouillé pour transporter la peinture? Et si l'artiste n'était pas un plongeur, mais... Oh, et si Henri avait découvert une grotte préhistorique? Les semaines suivantes, le groupe poursuit son exploration. Il découvre... Oh, merveille des merveilles! D'autres dessins. De nouvelles mains, aux contours noirs, rouges ou orangés. Et des animaux. Des chevaux, des bisons, des chamois, des bouquetins. Et puis... Oh, des phoques et des pingouins! Pardon. Désolée, mais je dois m'arrêter 2 secondes, là. Des pingouins? Près de Marseille? Oh, ça va alors. Remets-toi, hein. Bref. Henri sait qu'il a découvert un trésor archéologique. Il décide pour l'instant de ne rien dire aux autorités. Mais la rumeur circule. Et vite! Une grotte de la préhistoire? Tu parles que ça intéresse! Le 1er septembre 1991, 3 plongeurs amateurs trouvent la mort dans le boyau, près de l'entrée. Impossible de garder le silence plus longtemps. 2 jours plus tard, Henri déclare officiellement sa découverte. Reste maintenant à l'authentifier. Le grand archéologue, Jean Courtin, est envoyé sur le terrain. Son jugement est sans appel. Il s'agit bien d'une véritable grotte préhistorique. Après plus de 41 prélèvements d'échantillons, on arrive à la dater avec précision. Elle a été fréquentée par les Homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce, durant une période très longue, entre les années 33 000 et 19 000 avant le présent. Lorsqu'Henri Kosker l'a découverte, aucun humain ne l'avait visitée depuis 20 000 ans. L'histoire de la grotte Kosker fascine évidemment le monde entier. Une question en particulier intrigue les journalistes. Henri Kosker, pourquoi avoir attendu si longtemps avant de déclarer votre découverte ? Eh, ma foi, un bon coin à champignons. Il se donne peut-être ? Derrière cet épisode, il y a Agnoro, Fanny Leroy, Benjamin Orgeret et moi, Laure Grand-Besançon. Pourquoi y a-t-il des pingouins dessinés sur les parois de la grotte Kosker ? Lorsque la grotte commence à être fréquentée, dans les années 33 000 avant le présent, le climat est très différent d'aujourd'hui. C'est le paléolithique supérieur, une époque qui correspond à la dernière grande phase glaciaire. Le nord de l'Eurasie est rempli de glaciers, tandis que le sud connaît des températures assez basses. Dans la région qui correspond aujourd'hui au sud de la France, c'est méga glagla. Ce qui explique une faune et une flore bien différentes. La grotte Kosker est aujourd'hui en grand danger. Menacée par la montée des eaux, elle va un jour disparaître. Heureusement, une réplique a été construite. N'hésite pas à aller la voir, tu la trouveras à Marseille, à Kosker, Méditerranée. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.